Le rassemblement contre l'enlèvement collectif de nos citoyennes à l'étranger par les autorités sud-coréennes a été organisé le 11 à Borissal, Bangladesh, par le Cercle d'études de la politique de Sengun Bangladais, en présence des habitants de divers milieux. Les orateurs y ont déclaré que les autorités sud-coréennes doivent renvoyer tout de suite les Coréennes kidnappées, comme le veulent les familles des victimes. Par ailleurs, le Forum allemand anti-impérialiste a publié le 12 une déclaration contre les autorités sud-coréennes qui ont enlevé les citoyennes coréennes.